À la foire, scène 4, aux attractions. Martin et Paul regardent les attractions, la maison hantée et la grande roue. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Paul? J'aime beaucoup la grande roue. Je veux y aller. Allons sur la grande roue. D'accord, allons-y. Ils s'approchent de la grande roue. Martin voit un écriteau. Taille minimale. Paul, combien mesures-tu? Pourquoi? Regarde l'écriteau. Taille minimale. Oh non! Ce n'est pas juste! Je suis trop petit! Je suis toujours trop petit! Mais moi, je suis assez grand. Bravo! Félicitations! Regarde! Il y a une maison hantée ici. J'aime bien les maisons hantées. C'est amusant. Non, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Tu as peur? Moi? Peur? Tu blagues. Je n'ai pas peur. J'ai du courage, moi. Alors, allons-y. Regarde, il y a des jeux là-bas. Allons jouer aux jeux. Mais je préfère la maison hantée. Les jeux coûtent trop cher. Mais je préfère les jeux. Il faut décider. Je l'ai. Faisons Amstramgram. D'accord. Amstramgram. Pique et collégram. Bourre et ratatam. Amstramgram. Ha! C'est la maison hantée. Allons-y. Oh, misère! J'ai très peur du noir.